semble être hier. Et si je t'écris aujourd'hui, c'est que je me penche en arrière. Ne crois pas que j'ai des regrets, mais j'aimerais bien de temps en temps que tu m'écrives ce que tu fais, comment pour toi passe le temps. Parle-moi de ta vie et raconte-moi tes jours. Parle-moi de ta vie. Depuis 2 mois, me voici mère d'une fillette aux grands yeux clairs. C'est fou jusque dans ses manières, c'est tout le portrait de son père. Es-tu toujours bonapartiste? As-tu toujours dans ton salon la grande carte d'Austerlitz, le buste de Napoléon? Parle-moi de ta vie et raconte-moi tes jours. Parle-moi de ta vie, où en sont tes amours? Moi je vis confortablement, il est très gentil avec moi. Je lui suis dévouée sincèrement, mais c'est si différent de toi. Encore un mot, si tu m'écris, si jamais tu en as le temps, surtout n'adresse rien ici, envoie la lettre chez maman. Parle-moi. Je t'en prie, ne parle pas d'amour. Parle-moi de ta vie et raconte-moi tes jours. Mais surtout, je t'en prie, ne parle pas d'amour.